Écoutez le bruit trachéobronchique. C'est un bruit soufflant de haute tonalité. Il est entendu dans les zones de projection des grosses voies aériennes. Écoutez encore le bruit trachéobronchique.